Les bleuets fortins du 555 Deakin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Chez Dolbeau Auto, pendant le Festival du Bleuet, on vous offre le Silverado 1500, cabine multiple, 0% de financement pendant 72 mois, plus 5 000 $ de crédit, incluant 1 500 $ pour le propriétaire actuel du camion, ou le Colorado, 1,99% financement à l'achat pendant 60 mois, plus 1 250 $ de crédit et un spécial s'ajoute pour tous les membres Costco. Le propriétaire Stéphane Fortin désire souhaiter un bon Festival du Bleuet et invite toute la population à participer aux différentes activités. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau Bistassini, 276-0580. Jacques, parle-moi d'Anthony Kay. On dit que c'était, je regardais sur LMB Pipeline, qui est le site internet des prospects, là, que c'est la Bible. Ouais, ouais. Quatrième meilleur espoir du côté des Mets. C'est dans le cas de Whitson, c'est le sixième. Oui, et dans le cas de Kay, c'est un ancien premier choix en 2016, ouais, qui a connu d'excellentes saisons au niveau cette année, au niveau 2A. Avec une moyenne de points mérités de 1,49. Mais au niveau 3, ça a été différent. Sa moyenne a gonflé à 6,61. Mais on dit qu'il est près des ligues majeures. Possiblement qu'il pourrait être appelé au mois de septembre. C'est un gars qui a eu l'opération Tommy John. Oui, mais ça, ce n'est plus quelque chose. C'est plus une embûche. Non. Parce que la plupart de ceux qui subissent ce genre d'opération reviennent plus forts par la suite. Ben oui. Quant à l'autre, Simeon Wood Richardson, mais lui, c'est un jeune de 18 ans. C'est un solide gaillard à 6 pieds 3, 210 livres, qui aurait une balle rapide, même à 18 ans, à 97 000 à l'heure. C'est évident qu'il a certains problèmes à maîtriser ses tirs, mais il a retiré au niveau A 97 frappeurs en 78 manches. Ça, c'est l'an dernier. Il a été le deuxième choix des Mets en 2018. Alors, dans les termes du baseball, on dit que c'est des prospects, mais mon ami Roger Brulotte les appelle des suspects. Effectivement. Sogard, es-tu déçu de... Moi, je suis déçu parce que je vais m'expliquer encore une fois, parce que c'est un gars qui peut jouer à différentes positions. C'est un bon vétéran. C'est un gars qui également qui ne coûte pas cher. Il ne t'aura rien pour. Là. Les joueurs qu'on a obtenus, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit... Oh non, mais le problème, George, c'est qu'on va rappeler Bichette aujourd'hui. Oui. Alors, il fallait lui faire une place. Oui. Mais c'est ça que j'aurais aimé, qu'on le garde jusqu'à la fin de la saison. Puis... Ben oui, mais c'est, Bichette criait dans le 3A. Ouais. Puis écoute, il n'y avait pas tard lorsqu'il a dit, moi, j'ai fait tout ce que l'organisation m'a demandé de faire et avec succès. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour me rappeler? Pis surtout qu'il avait l'air un petit peu découragé, parce qu'au cours de la dernière semaine, je me dis, en effet, son rendement avait baissé. Je sais pas si ça a un lien, là, mais son rendement avait un petit peu baissé. Fait que là, on va le voir. Il était déçu d'être... Ouais. Il avait hâte de goûter au baseball majeur, puis là, on va le rappeler pour la série. À Kansas City, j'ai eu la confirmation il y a quelques minutes. OK. Bon, tu t'attends-tu à d'autres choses? Chez Ken les Blue Jays. Oui, Ken Giles, vas-tu partir? Galvis, Smoke. Smoke, ce serait un bon joueur de profondeur. Peut-être Galvis. Oui. Parce que c'est un bonhomme là, qui a dépassé toutes les espérances qu'on avait à ce sujet lorsqu'on l'a acquis en début de campagne. Mais si on veut faire la place vraiment à Bichette, c'est un joueur d'haricots. Alors, présentement, tu sais, ça ressemble énormément à ce qu'on projetait pour la saison prochaine. Parce que, tu sais, il ne faudra pas se surprendre que la saison prochaine, on va se retrouver avec Jansen et McGuire derrière la marbre. Ouais. Tellez et, s'il est encore là, Smoke au premier but. Biggio au deuxième, Bichette à l'arrière-court, Vladimir Junior au troisième but, avec Gourriel au champ gauche, Hernandez au champ centre, et... Gatchuk. Pardon? Gretchuk dans la droite. Gretchuk au champ droit. Ouais. Alors, tu sais, les trous qu'on a présentement, c'est au monticule. C'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris qu'on se défasse aussi rapidement de Strowman. OK. Dans le cas de Bichette, écoute, c'est un gars qui frappait pour 277 dans le 3A et était classé 8e meilleur espoir dans le dernier relevé de baseball de MB Pipeline. Giles, penses-tu qu'il peut partir? Ça va dépendre de ce qu'on va offrir. Ouais. Parce que Giles, écoute, a fait tout ce qu'on voulait qu'il fasse à Toronto. Très, très bon. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Son attitude qu'on lui reprochait par le passé a changé dramatiquement. Il est heureux à Toronto et il l'a dit lui-même. Moi, je suis très heureux à Toronto. J'espère que je vais rester ici. Je me plais ici. Mm. Et présentement, toutes les rumeurs de transactions, ça me passe par-dessus la tête parce que j'ai d'autres soucis. Présentement, mon épouse est enceinte. On attend un enfant, c'est ça qui me préoccupe le plus. Okay. Alors, tu le regardes d'aller, et il ne faut pas oublier que récemment, il y a eu certains malaises au bras. Mm. Alors, peut-être que les équipes ont été un petit peu réticentes. C'est vrai qu'on exige toujours un examen médical avant de compléter la transaction, mais quand même, à l'instar de Strowman, j'espère qu'on va le garder. Les Yankees viennent de prouver qu'ils ont besoin d'un lanceur partant. Hein? Ah, ça fait longtemps qu'on le dit. Hey, là, c'est sûr que Fenway Park, c'est pas une place pour les lanceurs, mais quand même, écoute, en fin de semaine, là, je pense qu'il y a une moyenne de 19, ce que je voyais hier dans le match au cours des C'est incroyable. Écoute, ouais. Ils ont un creux de vague, ouais. Mais écoute, ils ont des ressources à leur disposition. Il reste encore une couple de jours pour bâtir des transactions. Et il ne faudra pas se surprendre qu'ils tirent un lapin de leur chapeau. OK. Jacques, un gros merci. Au plaisir de se reparler. On s'en parle bientôt. OK, mon ami. Le tenu Jacques Doucet qui nous parlait de la date.